Les éditions de l'avenir présentent le PC Show avec Paul Courtemèche. Bien le bonjour, ici votre annonceur radio favori. Mon polo m'a demandé de vous parler de ma réalité pandémique. Il est certain que pour un vendeur né comme moi, qui aime les contacts humains, qui en a besoin, oserais-je dire, le confinement n'est pas idéal. Le télétravail, c'est bien, mais ça ne remplace pas une solide poignée de main. Moi, toujours sur une patte et sur l'autre, un rendez-vous ici, un rendez-vous là, fonçant sans cesse à 200 km/h, le télésocial, le télébusiness et la téléculture ont mis un sérieux frein à mon train de vie. Et à vrai dire, sortir uniquement pour des emplettes, pour acheter un pain et un pot de beurre d'arachide, devient un brin déprimant. Oh, rassurez-vous, je ne suis pas du genre à plonger dans les marasmes de la dépression. Je me tiens occupé, moi, concevant un projet après l'autre. Et gare lorsque la vie reprendra son cours. Vous entendrez parler de l'annonceur. En attendant, pour me garder en forme, je me suis mis au jogging. Certes, la distance entre le pied de mon lit et la toilette est un peu courte, mais j'ai savamment calculé qu'en réalisant 120 allers-retours, je m'exerce pendant un bon 10 minutes. Tout un exploit, vous en conviendrez. J'ai bon espoir que ça ralentira un temps soit peu ma prise de poids, qui, je l'avoue, semble inquiéter mon pèse-personne. Ainsi, entre le télétravail, l'exercice, la conception de projets, les conversations téléphoniques par Skype ou autres avec les copains de la famille, je parviens à remplir mes journées. Et c'est presque fatigué que je me couche la nuit venue. Comme vous voyez, moi, ça va. Celui pour qui je m'inquiète vraiment, c'est Monsieur Pépère. « Il n'a pas le moral, m'a dit mon polo. Et à son âge, la perte du moral, c'est dangereux. » Sur ce, je file. J'ai un rendez-vous téléphonique avec mon cousin Samy. À la revoyure.